perdu. Le rythme des saisons est pourtant, voici qui est grêle. La nature a fleuri même dans les fonds. Je ne suis pas certain qu'il gèle. Avec plusieurs vélocipèdes récupérés dans les bains, j'ai retapé la bicyclette qu'il y a au moins 15 ans, j'avais trouvé pour sa sœur. Et il nous servait alors pour quelques kilomètres à peine, le reste on dirait que ça tentait les ruelles et les moulins. J'ai décidé de tout ce qui est à moins de 20 km, les pédales bourrées. C'est moi, je perds ce qui est mal, j'ai découvert il y a plein de faisceaux transcendent les pays à deux roues jusqu'en Mauritanie, là où je voudrais aller si le temps me permet, de ce continent, les yeux bridés. Visionner la muraille, il y a deux problèmes. Comment se reposer la nuit ou la journée? Il le magasin de l'ange, le pays traversé, le boulanger. Voilà que les nuages se sont en allée, étalés, les rayons, les rayons. Soleil, recommence ta prière, recommence ta prière. Je te dis un tout comme toi, comme à moi. Le ciel est le sol, comme ta vie. Et tant pis pour le reste. Et tant pis pour le reste. Et tant pis pour le reste. Ça fait des mois que je me traîne. Ce matin, j'ai vu cette fille. Et c'est une petite garce avec des cheveux longs. Désorienté, j'ai perdu mon trajet. Examiner les cieux. Que j'ai été laissé. Regard un peu froid. Et visage un peu rendu. Et celle qui me fait réveiller l'heure de ma prison m'en fait perdre la raison. Comment pourrais-je me tuer sans goûter à la fleur qui vient de passer traversant ma maison où je n'ai plus. Le disait-il des sincères convictions? Qu'y a-t-il qui me freine? Qu'y a-t-il qui me peine. Qu'y a-t-il au fond que je ne puisse plus passer? Une hérésie de la vision. J'ai pourtant peine en me voyant dans les marais. J'aurais dû m'évader, couper l'horizon. Sans pitié pour les blés, mais que fait-elle? Je distingue sa chevelure foncée, son règne.